3 heures à Compiègne avec M. Rockefeller. Un article paru dans l'Écho de Paris, le 27 juin 1906, signé par Henri de Noussane. À Compiègne, avant-hier, les chevaliers de l'Arc devaient se disputer la flèche d'or, suprême récompense du plus habile archer de l'année. J'aime le tir à l'arc, et j'habite l'été à deux pas de Compiègne. Deux raisons d'assister au championnat d'avant-hier. J'étais donc, dès le matin, à la Société des Sports, théâtre du combat. C'est le plus beau terrain du monde. Au moment où j'y pénétrais, Carter Senior, l'entraîneur de M. F. Russi, parcourait la piste de l'hippodrome en homme qui ne laisse rien au hasard. Dimanche prochain, ses chevaux prendront part sans doute à la course de la saison. Assis à l'ombre, je regardais s'éloigner son élégant équipage. Devant moi, j'avais les cibles du tir à l'arc où s'exerçaient quelques chevaliers et j'écoutais siffler leurs flèches. Je jouissais d'un bonheur parfait. Mais la quiétude humaine est brève. Monsieur Reverdy de Salvagère, qui dirige avec talent le progrès de l'Oise, vint à moi et me serre la main d'un air de félicitation. « Heureux homme, vous venez ici interviewer Monsieur Rockefeller ?»« Réjouissez-vous, le voici qui s'avance en compagnie de notre maire, Monsieur Fournier Sarlevez. » Interviewer M. Rockefeller? Ah, grand Dieu, non! Je suis en vacances, et d'ailleurs que lui dirais-je? M'écouterait-il si je me permettais de lui donner des avis sur l'emploi de sa fortune? J'en doute. Il n'y a pourtant que cela d'intéressant à discuter avec lui. Je ne veux pas demander à ce roi des rois, empereur de la Standard Oil Company, ce qu'il pense de l'impôt sur le revenu ou de la cuisine française. Alors, quel sujet prendre? À part les nettes, l'argent ne vaut que par l'emploi qu'on en fait, et M. Rockefeller ne m'intéresserait que s'il daignait me confier ce qu'il projette de réaliser de grand et d'utile après sa mort, puisqu'il est avéré que de son vivant, il ménage ses générosités en vue sans doute de quelque effet posthume et grandiose. Je vis bien que ma réponse indignait mon ami, M. Reverdy de Salvagère, et que jamais il ne m'offrirait d'entrer au progrès de l'Oise. Mais malheureux! S'exclama-t-il. Vous avez derrière vous l'homme le plus riche du monde. Il pèse 5 milliards. Il peut dépenser près de 700 000 francs par jour. Son médecin, le docteur Bigard, l'accompagne. Regardez-le là-bas. Près de lui se trouve un reporter de New York Journal, M. Hoster, qui a passé l'Atlantique pour télégraphier chaque jour aux Américains les faits et gestes de l'homme le plus illustre d'entre eux. Nous sommes d'accord. Tout a été dit sur M. Rockefeller, et les journaux français qui s'en occupent ont l'air de découvrir l'Amérique. Je ne marche pas. J'avais compté sans M. Fournier Sarlevez. Il vint aimablement me quérir. C'était écrit. Je devais connaître M. Rockefeller. Oh, Plutus! J'ai serré 4 fois la main qui a gagné le plus d'or ici-bas. J'ai, pendant 3 heures, le 25 juin 1906, de 11 heures à midi, de 3 à 5 heures, échanger des impressions diverses avec sa toute-puissance Dame Fortune. Elle m'est apparue sous les traits d'un vieillard parcimonieux et glabre, absolument glabre. Il économise même la peine de se raser. Ses cheveux grisonnants sont ceux d'une perruque. Sa physionomie tient tout à la fois de celle de Coquelin Cadet et de François Copé. Il a des yeux bleus, petits et clairs. L'expression naturelle du regard est un mélange de tristesse et de méfiance. L'œil est d'ailleurs très abrité, très défendu, en un mot très capoté. Le nez est fin et droit, les lèvres minces, la bouche en coup de sabre, les dents espacées, pointues et jaunissantes. Le menton volontaire, la main soignée, piquetée de taches de rousseur et ferme et solide au contact. M. Rockefeller, sous une apparence corporelle médiocre, taille moyenne, tempérament sec, un peu de ventre cependant, cache de la force de résistance. Il pratique certains sports, s'entraîne et se soigne en suivant un régime d'exercice et de sobriété. La voix est douce, monocorde, un peu sourde. Point de passion chez cet homme, à l'exception de celle de l'argent. Elle a dompté les autres. Méchant, non. Fier, encore moins. Très poli, très amène. Parlant peu, toutefois, et plus disposé à questionner qu'à répondre. Je ne sais pourquoi, il fait songer à une pièce de monnaie usée, polie, patinée. La frappe est effacée, on ne distingue plus grand-chose, ce n'est que de l'or. M. Rockefeller s'assit dans le salon véranda de la Société des Sports. Son docteur et le reporter du New York prirent place à ses côtés. Je me mis en face et entre nous quatre, défendus des indiscrets, l'aimable chef de la municipalité compiégnoise présenta la bannière des archers de Compiègne. Puis il montra la flèche d'or que les archers allaient se disputer. Les pennons sont quatre lamelles de métal précieux. M. Rockefeller se rendit compte de leur poids et de leur épaisseur d'un geste discret. M. Sarlovez, qui parle anglais comme Shakespeare, prodiguait des détails. Je me permis d'y ajouter quelques barbarismes. M. Rockefeller écoutait, grave et froid, approuvant de « indeed » ce qu'il entendait. Averti que j'écrivais, il ne me témoigna ni plus ni moins de bienveillance. « Mon ami, M. de Nussan, dit M. Sarlovez, n'est pas là en journaliste. » M. Rockefeller sourit, d'un air résigné, au reporter du New York Journal, puis me regardant. « N'est-ce pas ? Je me repose. Je veux être tranquille. J'ai coupé le câble avec l'Amérique, vous me comprenez. Je n'ai rien à dire. Je suis très bien ici, voilà tout. » Le pauvre homme est venu voir sa fille, Madame Strong, qui, pour la seconde fois, passe l'été au château des Avenues, louer la comtesse de l'Aigle. M. Strong paye cette propriété 15 000 francs pour 4 mois. Elle a 2 sorties, une sur le rond royal, l'autre sur le carrefour Napoléon. Le roi de l'or, l'empereur des trusts, esquive ainsi plus aisément les fâcheux. La nuit, 2 gardiens, aidés d'un chien, veillent sur sa sécurité. Madame Rockefeller la suivit. Elle reste près de sa fille, souffrante et que soigne à tour de rôle 4 gardes-malades américaines. La joie de cette demeure est une fillette de 12 ans, Marguerite Strong, qui aura un jour en dot 100 millions. Elle a la chance de ne pas savoir encore que l'argent tue le bonheur et détruit les familles. « Vous aimez les sports ? » dis-je à M. Rockefeller. « Beaucoup, quand j'ai le temps. Ici, je joue au golf avec le docteur et j'apprends à monter à bicyclette. À Compiègne. Oui, j'ai des loisirs, je les utilise. » Si je reviens, il faudra que j'apprenne le français. » M. Sarlovez a fini de parler des archers et de leurs coutumes. M. Rockefeller prend congé et va déjeuner. Je reste en compagnie de mon confrère américain qui fait appeler un gamin du pays, porteur de crosse et de balle au noble jeu du golf. Le gaillard a la bonne fortune de seconder M. Rockefeller dans ses parties. M. Auster questionne, M. Sarlovez traduit et je prends une leçon de véritable journalisme. « Comment t'appelles-tu ? » ? « Robert Fournier. »« Tu suis les parties de M. Rockefeller ? » ?»« Oui, monsieur. »« Combien dure sa partie ? » ?»« 1 heure et demie en moyenne. »« Quel pourboire te donne-t-il ? » ?»« Il m'a donné 2 sous le premier jour, 20 sous ensuite. »« Tu es content ? » ?»« Oh, dame, oui. » Et Robert Fournier s'éloigne, sublime sans le savoir. M. Auster va télégraphier à New York ses palpitants renseignements. Il envoie environ 1 000 mots par jour. C'est l'affaire de 1 200 francs. Ça vaut bien ça. La rubrique Rockefeller in France est dévorée par l'Amérique entière. M. Rockefeller est revenu au cercle vers 3 heures. Il était en complet de tennis. Il tenait à la main une canne de 30 sous. Pas de bague, nul bijou, les mains nues. Un chapeau d'1 ou 2 dollars, en grosse paille. Il semblait plus gai que le matin et causait avec le docteur Bigger, qui a l'air échappé d'un roman de Dickens. C'est un type de bonhomie, de finesse et de rondeur qui doit être curieux et agréable à approfondir. M. Rockefeller s'installa dans un fauteuil sur la pelouse. Le docteur en fit autant. M. Sarlovez porta une chaise à côté du roi des milliardaires. Je préférais rester debout, appuyé à son siège. Il observait les archers se disputant la flèche d'or. M. Sarlovez expliquait l'intérêt du tir. J'ai essayé à plusieurs reprises d'obtenir de M. Rockefeller une pensée qui sortit un peu de l'état de repos où il semblait se complaire. J'ai vainement évoqué Guillaume Tell, la flèche du Parthe et l'arche antique. J'ai obtenu des « indeed » et des « very interesting ». Rien de plus. Le tir pourtant l'intéressait, mais en tant que jeu d'adresse, d'une constatation immédiate. Cependant, le docteur prit un arc et essaya de le tendre. « You are the Dr. Cupido. »« Vous êtes le docteur Cupidon, » dis-je. Cette médiocre facétie eut le don de réjouir M. Rockefeller. « Quand il rit, il a l'air très bon. Mais sa figure redevint vite austère. Il se leva pour attirer le maire un peu à l'écart, et je l'entendis qui disait « Il y a là un homme important qui est venu 3 fois au château et qui me suit. Ne pourriez-vous le faire partir ?» Hélas, son sort est d'être poursuivi. Dès que les journaux ont annoncé son arrivée à Compiègne, il a reçu chaque matin plus de 30 lettres recommandées, sans compter les autres. C'est peine perdue. Il ne les ouvre pas, et on ne lui en parle point. M. Sarlovez est lui-même assailli de demandes de secours à transmettre à son hôte. On lui propose aussi de faire acheter des œuvres d'art au richissime américain. Mais qui donc a inventé que M. Rockefeller aime les œuvres d'art? Il n'a pas encore visité le château de Compiègne. Avant-hier, le conservateur, M. Tabarot, se fit présenter à lui devant moi. M. Sarlovez indiqua à M. Rockefeller l'intérêt de la visite, et je me permis de rappeler le souvenir de Napoléon. « Oui, oui, j'irai voir tout cela un de ces matins, c'est entendu. Merci beaucoup. Mais j'ai donné au docteur sa revanche au golf. Nous parlerons du château ensuite. » J'ai présenté M. Tabarot au journaliste américain en lui expliquant qu'il fut un des principaux collaborateurs du Petit Parisien. « Ah, le Petit Parisien, » dit M. Rockefeller. « Je connais. Quelle circulation a-t-il ?» Deux dames de la meilleure société de Compiègne allaient tirer à l'arc pour que l'homme le plus riche du monde pût juger de l'adresse féminine à ce noble sport. Il s'efforça poliment d'applaudir la grâce de leurs attitudes. Mais on proclamait sur la pelouse le champion de la flèche d'or. M. Sarlovez voulut mettre en présence le roi de l'arc et le roi de l'or. M. Rockefeller vint paternellement au milieu des archers et se découvrit pour serrer la main du vainqueur, M. Cabaret, qui sembla goûter le prix de l'honneur qui lui était fait. Après quoi, le multimilliardaire alla se mettre en bras de chemise pour jouer au golf avec son docteur. M. Sarlovez et moi, nous le reconduisîmes quelques pas et, pour la 4e et dernière fois de ce jour mémorable, j'échangeai avec M. Rockefeller une cordiale étreinte. Nous nous sommes séparés, j'ose dire, très contents l'un de l'autre. Je l'ai suivi des yeux dans sa partie. Robert Fournier marchait à ses côtés. Un autre gamin accompagnait le docteur Bigard. M. Rockefeller passait allègrement sous les arbres, de l'ombre à la lumière, foulant la pelouse que le bourseleil tapissait d'or clair. Et j'espère qu'il était heureux. Mais je suis bien sûr que Robert Fournier l'était davantage. Ainsi s'achève, 3 heures à Compiègne avec M. Rockefeller, un article signé par Henri de Noussane, paru dans l'Écho de Paris, le 27 juin 1906.